Alma One, freestyle kick ça, dans un petit squat. 2014, yeah. Je laisserai pas tomber la musique, c'est grâce à elle que je tiens debout. Plein de bœufs et hop, on est parti comme des chiens de course, rien de fou. Dans ma vie, je viens d'un bled où y'a que papy qui te prend la tête quand t'es sur quatre roues. J'épargne pour m'évader un peu, mais pas, je veux qu'il parcourt à la trace de ceux des Incas, sa race. J'ai peur d'être incapable de vivre à l'île et qu'un de mes gars parte. J'crois pas que ça fasse de moi un mec à part et j'rappe. Déambulant dans mon quartier, carte et herbe, carapils sont des graves grillés. On se tape d'hier, tu peux dire qu'on est carpe diem, qu'on cartonne comme une dard, des potes, un tas de bières, pas de billets. Un beat et de la passion, un biquet de la patience. On rime et remplit le cendrier, sentir les planches vibrer sous mes Nike. J'en vivrai jusqu'au bye bye de ma life, yo. Pizza, yeah, ok. La one. Et vu que je la frise pas, je la vise, la perfection. Sur une prod faite maison, sans faire d'exception. Donne le meilleur de nous-mêmes pour vous éviter le goût amer de la déception. Ai-je raison, je sais pas, mais je m'exclame ouais, ou peut-être parce que j'ai que ça à faire de la vie, je t'en donne ma perception, pote. Et si t'es psy, viens par là pour toi, j'ai mille questions. Boy, pourquoi je m'écarte de mon but? Fume des raps souvent et m'éloigne de mes rêves. Téméraire, je témoigne des choses qui doivent changer. Étrange, mais je suis qu'un bête mec qui dans sa chute tente de se rattraper aux branches. Dois arrêter la Kenja avant de finir dérangé. Gros, je suis accro et accrant, y'a danger, je dois me ranger, privilégier la famille, la santé, avancer. Si je veux qu'un jour ma vie soit vacances, par arc-en-ciel, genre mi-soleil et mi-pluie. Pote, ici le but est simple, c'est de prendre l'oseille et puis fuir. Kick ça.